الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن الصدق عباد الله موضوع مهم للغاية، يتوقف سعادة العبد عليه في دنياه وأخرى. أيها المسلمون، هذه الدنيا الفانية جعلها الله سبحانه وتعالى دارا للابتلاء والامتحان، وليميز بين الصادقين والكاذبين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالدنيا دار ابتلاء وامتحان، يميز الله سبحانه وتعالى بين الصادقين والكاذبين. الصادق مع الله رب العالمين ثابت عند وجود الشبهات والشهوات بصدق معتقده وبملازمته لطاعة ربه جل وعلا. الصدق قوة لصاحبه وطمأنينة، كما في حديث صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق نجاة لأهله. في الصحيحين في قصة ثلاثة النفر الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، قال بعضهم لبعض: إنه والله إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. ففعلوا ببر الوالدين والعفة من الزنا وحفظ حقوق الأجير ونماء حقه، ففرج الله عنهم. فصدق منجاة للعبد من فتن الدنيا وشدائدها. الصدق مع الله عز وجل منجاة للعبد يوم القيامة. اعلم رحمني الله وإياكم أنه لا ينفع العبد شيء بدون صدق يوم القيامة عند الوقوف بين يدي الله عز وجل علام الغيوب. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. بالصدق مع الله يحرم الله نفسك إلى النار. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان معاذ الله عنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله إلى النار فشرط النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادة الصدق للنجاة من النار أعاذنا الله وإياكم من النار فعليكم بالتوحيد يا أهل الإسلام صدقا وحقا فكونوا من أهل التوحيد ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث شداد بن أوس قال له أو قال وأسألك لسانا صادقا ومن الخطأ ما يظنه الكثير بأن الصدق إنما هو في الأقوال وليس الأمر كذلك بل إن الصدق في الأقوال والأفعال والقلب وآية جامعة آية البر تبين لنا هذا جليا قال الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فصدق في الأفعال والأقوال والقلب بتصحيح العقيدة وبالانقياد لأمر الله عز وجل الصدق عباد الله أعلى المراتب بعد النبوة الصدق مع الله أعلى المراتب بعد درجة النبوة قال الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فدرجة الصديقية أعلى المراتب بعد درجة النبوة الصدق زاد خيار عباد الرحمن وصف الله أنبياءه بالصدق واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل أو قال إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وقال الله واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا أنبياء الله ورسله كلهم أهل الصدق ويوم القيامة عند البعث يقولون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فرسل الله عليه الصلاة والسلام أهل الصدق ووصف الله عز وجل ملائكته بالصدق في قصة لوط عليه السلام وآتيناك بالحق وإنا لصادقون ووصف الله عباده الصالحين بأنهم أهل الصدق ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة أي مريم عليها السلام وأمه صديقة بل إن رب العزة والجبروت ربنا رب العالمين وصف نفسه بالصدق تبارك وتعالى فقال جل وعلا في كتابه المجيد ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أجمعين من أهل الصدق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. وبعد، الله نريد أن نصلي سوى traduction des sens de ce verset: Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez du nombre des véridiques. Et soyez du nombre des véridiques. La véracité, la sincérité est un sujet des plus importants, car le bonheur du serviteur dans ce bas monde et dans l'au-delà y est directement relié. Et ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé afin de nous éprouver et voir lequel d'entre nous agira au mieux dans la concrétisation de son unicité. Il nous dit dans son livre, subhanahu wa ta'ala, sur la traduction des sens de ce verset: est-ce que les gens pensent que nous allons les laisser dire nous croyons sans les éprouver? Nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant eux, c'est-à-dire les communautés et les générations. Ainsi, Allah saura ceux qui parmi vous, ou bien ceux qui sont véridiques parmi les menteurs. Donc ce ballon est une épreuve, et avec cette épreuve on distingue entre ceux qui sont véridiques dans leur foi de ceux qui sont les menteurs. La véracité, le fait de ne dire que la vérité, que ce soit avec son cœur, sa langue ou ses membres, sur cela repose la religion d'Allah Azza wa Jal, et sur cela repose tout le bien pour la personne en particulier et toute la société. Quant à son contraire, le mensonge, sur cela repose tout le mal et la destruction des communautés et leur perte dans ce bas monde et dans l'au-delà. Celui qui est véridique avec Allah Azza wa Jal et qui est sincère, Allah le préservera lors de la venue des ambiguïtés qui touchent le cœur ou des patients ou des passions. Allah Azza wa Jal préserve les véridiques parmi ses serviteurs de par leur bonne croyance et leur soumission devant ses ordres. Allah Azza wa Jal les préserve. La véracité, c'est une force. Celui qui dit la vérité, tu le verras fort et tu le verras serein. Quant au mensonge, ça amène le doute et ça enlève la tranquillité. Le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hassan ibn Ali radiallahu anhuma, nous dit: j'ai mémorisé du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ces paroles: délaisse ce qui est douteux pour ce qui est sûr. Délaisse ce qui suscite le doute en toi pour ce qui est sûr. Et certes, la véracité amène la tranquillité. Quant au mensonge, il amène le doute. La véracité, chers frères, est la plus grande cause par laquelle Allah Azza wa Jal sauve ses serviteurs dans ce bas monde de toute difficulté, de toute épreuve et de tout malheur. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, on nous raconte l'histoire de trois personnes qui étaient en voyage. Ils sont entrés dans une caverne car il y a eu de la pluie, mais un gros rocher est tombé et a bouché la sortie. Alors, ils se sont dit mutuellement: par Allah, rien ne nous sauvera si ce n'est la véracité. Que chacun d'entre vous invoque Allah, que chacun d'entre vous invoque Allah par l'action qu'il a faite avec sens, avec véracité. Alors le premier invoqué Allah Azza wa Jal de par sa bienfaisance envers ses parents. Le deuxième de par sa chasteté devant toute fornication. Le troisième de par le fait qu'il a préservé l'argent et le salaire de son employé. Puis il l'a investi, il l'a développé, à la fin il lui a remis l'ensemble. Chacun a invoqué Allah Azza wa Jal par cette bonne action qui avait été faite avec véracité. Puis Allah Azza wa Jal les a sauvés et a fait que le rocher se déplace. Donc dans ce bas monde, devant toute difficulté, il n'y a que la véracité qui te sauvera. Et l'un des pieux prédécesseurs a dit, la véracité, le vrai niveau d'être véridique, c'est le fait que tu dises la vérité. Lorsque tu as la certitude que ça va t'amener des problèmes, tu restes véridique et tu dis que la vérité. Et le fait de ne pas mentir, même lorsque tu as la certitude que ça va te sauver de ton problème, voici celui qui est réellement véridique. La véracité, voici ce qui sauvera les serviteurs le jour du jugement dernier, lorsqu'on sera amené à comparaître devant Allah le Seigneur des mondes. Rien ne sera profitable pour les gens, si ce n'est ce qu'ils ont fait avec véracité. Allah nous dit dans son livre, selon la traduction, « Voici le jour où les véridiques tireront profit de leur véracité. Ils auront des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. » Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah. Voici l'énorme succès. Voici l'énorme succès. Avec la véracité. Avec la véracité, Allah Azza wa Jal va te sauver de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour sur une monture et il y avait derrière lui Mu'ad ibn Jabal. Il lui a dit, oh Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal lui a répondu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé une deuxième fois, puis une troisième fois, pour parfaitement capter son attention. Puis il lui a dit, il n'y a pas une personne qui attestera qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée excepté Allah. Et que Mohammed est le messager d'Allah, en disant cela avec véracité de son cœur, sans qu'Allah le préserve de l'enfer. Celui qui dit la shahada, celui qui reconnaît que nul n'a droit à l'adoration si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, et qui atteste de cela avec la véracité de son cœur, Allah Azza wa Jal lui rendra sa personne interdite au feu de l'enfer. Il nous faut donc faire partie des gens du monothéisme pur, et cela réellement et avec véracité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Shaddad ibn Aws, lorsque les gens préserveront bien terrosir, lorsque les gens préserveront leur argent, ou seront que concentrés dans leur argent, et amasser leur argent et l'or, toi, thésaurise ces paroles-là. Et parmi ces paroles et ces invocations, il y a, wa as'aluka lisanan sadiqa. Et je te demande une langue véridique. Une langue qui dit toujours la vérité. Et beaucoup parmi les gens pensent que être véridique, c'est que dans les paroles. Mais en islam, ce terme a une portée bien plus vaste et ça englobe bien plus de choses. Ça englobe la véracité avec le cœur, la véracité avec la langue, la véracité avec les membres. Et dans le verset qu'on appelle Ayatul Birr, Allah Azza wa Jal nous montre que le bien ne consiste pas qu'à tourner son visage vers l'Orient-Occident, mais c'est la foi en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, de dépenser de son argent malgré qu'on l'aime. Puis Allah Azza wa Jal nous cite des bonnes actions, comme sadaqa, envers les proches, envers les orphelins, envers les pauvres, envers les voyageurs, l'accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, être patient. Allah Azza wa Jal nous cite beaucoup de bonnes actions. À la fin, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina sadaqu, voici ceux qui ont été véridiques. Voici ceux qui ont été véridiques et voici les gens pieux. Donc la véracité, c'est avec le cœur, en ayant une bonne croyance. C'est avec la langue, en disant que ce qui est en conformité avec la réalité des faits. Et c'est avec les membres. Et c'est avec les membres, en faisant conformité avec ce que porte le cœur. Donc il nous faut nous diriger vers Allah Azza wa Jal avec une véracité complète et totale, avec le cœur, avec la langue et avec les membres. La véracité est une des meilleures qualités. Et c'est le niveau le plus haut après le niveau de la prophétie. Il n'y a rien au-dessus des traits véridiques si ce n'est les prophètes et les messagers. Allah Azza wa Jal nous dit dans son livre selon la traduction des sens de ce verset, et celui qui obéit à Allah et aux messagers, voici ceux qui seront, voici ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Parmi les prophètes, les très véridiques, les martyrs, les gens pieux. Donc Allah Azza wa Jal a cité les très véridiques juste après les prophètes. La véracité est une des meilleures provisions. Allah subhanahu wa ta'ala fit l'éloge de ses prophètes et messagers de par leur véracité. Il nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ces versets, et mentionne dans le livre Ibrahim, il était certes très véridique, et c'était un prophète. Concernant Ismaïl, Allah nous dit, il était véridique en promesse. Concernant Idris, il nous dit, il était véridique et c'était un prophète. Et le jour de la résurrection, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous ressuscitera, les gens diront, voici ce qu'Allah avait promis et les messagers ont dit la vérité. Et les messagers ont dit la vérité. Allah tabaraka wa ta'ala a fait l'éloge de ses anges par la véracité. Tout comme les prophètes d'Allah sont véridiques, les anges sont véridiques. Dans l'histoire de l'autre, le neveu d'Ibrahim alayhi salam, les anges lui sont venus et l'ont informé de la tournure des choses. Et ils ont dit, nous sommes venus à toi avec la vérité et nous sommes véridiques. Donc les anges sont qualifiés de cela également. Les serviteurs pieux d'Allah azza wa jal sont qualifiés par la véracité. Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de la mère de Isa ibn Maryam, donc Maryam par la véracité, en nous disant que Isa, le fils de Maryam, n'était qu'un prophète, comme les prophètes avant lui, et sa mère était une femme très véridique. C'est le niveau le plus haut qu'on puisse atteindre après le niveau de la prophétie. Plus encore, Allah le Seigneur des mondes, celui qui a la perfection absolue, a comme attribut al-sidq, la véracité. Il nous dit dans son livre, « وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا » et qui est plus véridique qu'Allah en matière de parole. « وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا » et qui est plus véridique qu'Allah en matière de récit. La véracité est la était la provision des muhajiroun parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on l'a ennuyé, lorsqu'ils ont dit « La ilaha illallah » Ils ont subi, on les a agressés, on les a forcés à sortir de l'islam, mais ils sont restés fermes de par leur véracité, dans leur engagement avec Allah tabaraka wa ta'ala, dans leur engagement, dans le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'Allah azza wa jalla les a qualifiés ainsi, en disant « Lil fuqara il muhadirin alladina ukhrijou min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa rasoulihim » يَبْدَعُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Allah Azza wa Jal a fait les éloges des muhajiroun en nous disant qu'ils ont été, yani qu'ils sont pauvres, et qu'on les a fait sortir de leur demeure, et on aura pris leur argent. Ils espèrent la grâce d'Allah et son agrément. Ils secourent Allah et son messager. Voici ceux qui sont véridiques. Al-Muhajiroun est le maire d'entre Abu Bakr, As-Siddiq, radiallahu anhu. Donc la véracité est la mère des provisions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Amr, quatre choses, si tu les possèdes, ne te soucie plus de ce que tu perdras de ce bas monde. Le fait de préserver le dépôt, d'être véridique lorsque tu parles, jusqu'à la fin du hadith. Et Ubadah ibn Samit radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui me garantit six choses, je lui garantis le paradis. La première, usduqu idha haddathtum. Dites la vérité lorsque vous parlez. Dites la vérité lorsque vous parlez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a particulièrement fait des recommandations à une partie de la communauté. Qui sont-ils? Ce sont les commerçants. Qui sont-ils? Ce sont les commerçants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Al-bay'an bil-ghiya ma lam yaftariqa » Celui qui vend et qui achète ont le choix tant qu'ils ne se sont pas séparés. Tant qu'ils ne se sont pas séparés. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Fa'in sadaqa » S'ils disent la vérité. Tu vends ta marchandise, sois véridique dans ce que tu proposes. S'il dit la vérité, Allah mettra la bénédiction dans leur commerce. Et s'il ment, Allah enlèvera la bénédiction dans leur commerce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé au marché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé au marché en compagnie de Rifa'a. Et il a dit, oh vous les commerçants. Alors ils se sont tous regroupés autour de lui. Puis il leur a dit, ya ma'ashara tujjar. Inna tujjar humul fujjar yawm al-qiyam. Subhanallah. Oh vous les commerçants, sachez que les commerçants le jour de la résurrection seront les pervers. Sauf illa man ittaqa Allah. Sauf celui qui craint Allah, qui aura fait le bien et qui aura été véridique. Et qui aura été véridique. Rawah al-Tirmidhi. Et Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu nous dit un hadith qui nous pousse à la vérité, qui nous pousse à la véracité. Il nous dit, j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, inna sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna al-rajula لا يصدق ولا يتحرى الصدق حتى يتبع عند الله صديقا وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يتبع عند الله كذابا فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في القول والأعمال. Nous demandons à Allah عز وجل nous accorder la véracité, que ce soit dans nos paroles ou dans nos actions. Il a dit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam, certes, dire la vérité guide vers la bienfaisance. Et la bienfaisance guide au paradis. Et la personne ne cesse d'être véridique. Et de faire attention à toutes ses paroles afin d'être véridique, jusqu'à ce qu'elle soit inscrite auprès d'Allah comme étant véridique. Comme étant véridique. Elle fait attention à ce qu'elle dit et ce qu'elle transmet, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal l'inscrit parmi les véridiques auprès de lui. Et la personne ment et ne cesse de mentir. Et le prophète nous dit, certes le mensonge guide vers la perversion, et la perversion guide vers l'enfer, et la personne ne cesse de mentir, jusqu'à ce qu'elle soit écrite auprès d'Allah comme étant un menteur. Comme étant menteur. On demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver du mensonge et de ses adeptes. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous guider au nombre des véridiques et de ses adeptes. Et la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on citera l'histoire d'un homme qui a été véridique au dépens de sa tranquillité. Durant 50 jours, il a été éprouvé jusqu'à ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala lui accorde le secours, afin que chacun sache que rien ne sauve les serviteurs dans ce ballon, ni dans l'au-delà, si ce n'est la véracité. Wallahu a'lam, wa salli allahumma barik ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in, aslih sha'nana kulla, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Et n'oubliez pas d'aider la mosquée avec vos sadaqas. وفقكم الله وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.